Conseil et Ned furent également projetés à l'eau. Tandis que la frégate s'éloigne, le professeur, Conseil et Ned se retrouvent sur le dos d'un sous-marin, qui, le matin suivant, ouvre enfin une porte par laquelle ils sont introduits. Deux hommes apparaissent, dont l'un semble le chef. Comme ils parlent entre eux une langue incompréhensible, les trois naufragés essaient de communiquer avec eux en français, en anglais, en allemand et en latin, sans résultat. Mais un steward leur sert à manger comme s'ils étaient dans un grand hôtel où apparaît partout la devise « Mobilis immobili », mobile dans l'élément mobile, devise en demi-cercle entourant la lettre N. Alors que déjà, ses deux compagnons sont endormis sur le tapis de leur salle à manger, le professeur reste éveillé. Trop de pensées s'accumulaient dans mon esprit, trop de questions insolubles s'y pressaient. De violents cauchemars m'obsédaient. Puis, mon cerveau se calma, et je tombai bientôt dans un morne sommeil.